jamba. Ile ile kaburu. Ile ile kaburu. Ile ile ile kaburu kana jamba. Mesiran sitana nye. Mesiran, mesiran, mesiran, mesiran, mesiran. Masa kelempe le bese kanete mebi. Ine, ine, ine, ine, ine na. Nga kojugu minke, tonyo li minke. Nga mogo mutoro. Midari, midari, midari, midari, maudari la. Ile ile kaburu, ile ile kaburu, ile ile ile kaburu kana njamba. Manson, kalere yang kanatike, saga jiki jiki le alaye. Oh oh oh, mesira mesira mesira mesira mesira. Teretiki, sinitiki, bitiki, al kiamalolong tiki. Ine, ine, ine, ine, ine na. Ine, ine, ine, ine, ine na. Ile, ile, kaburu. Ile, ile, kaburu. Kaburu kana njamba. Ile ile kaburu. Ile ile ile ile ile. Ile ile ile kaburu kana njamba. Ile ile kaburu. Ile ile kaburu. Ile ile ile kaburu kana njamba. Ile ile ile kaburu kana njamba. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.